Donc pour cette séance, nous recevons Tristan Matelard, qui est professeur de communication internationale à l'Université de Paris 8, et dont une grande partie des travaux ont été consacrés à la question des, certes des médias, mais plus encore de médias, mondialisation, médias et culture, dont un ouvrage paru en 2007, si je ne m'abuse, qui était sur médias, migration et culture transnationale. Donc, et qui va aujourd'hui nous parler de médias et mondialisation culturelle. Voilà, et donc je voudrais... Donc plus récemment, on a publié avec différents collègues un travail sur ce qu'on a appelé la mondialisation souterraine, hein, comment le piratage pouvait être considéré comme... devait être considéré aussi comme une voie majeure pour accéder aux produits de la culture de masse. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais plutôt, comme le séminaire est consacré donc aux sciences sociales face au global, je vais plutôt essayer d'expliquer comment est-ce que, dans le champ qui est le mien, celui de l'internationalisation des médias, donc on s'est posé la question assez tôt sur ce qu'aujourd'hui on appelle le global. Mais assez tôt, se sont mises en place différentes approches pour penser l'internationalisation des médias, et je vais revenir sur une petite généalogie esquissée, parce qu'on ne peut pas être exhaustif sur cette question, mais esquisser quelques-unes des grandes étapes de ces théories de l'internationalisation des médias et leur évolution. Donc je vais procéder en plusieurs temps. Premier temps, ce sera voir en quoi les travaux de l'économie politique critique de la communication sont pour que s'élabore des théories sur l'internationalisation des médias sont importantes, hein, quand même. On peut même les considérer comme fondatrices, donc des théories qui se mettent en place à partir de la fin des années 60 et largement dans les années 70. Je vais revenir aussi au débat qu'ont suscité ces théories critiques dès les années 70 et encore dans les années 80. Ce seront trois temps différents de ma présentation. Et après, on rentrera dans de nouvelles perspectives qui ont été ouvertes par ce que je décrirais comme les théories de la mondialisation culturelle. Là, on verra comment ces théories, ils constituent un ensemble assez hétéroclite, qui sont proposés par des anthropologues, par des chercheurs en cultural studies, par des sociologues. Ces théories, pour hétéroclites qu'elles soient, vont proposer un nouveau paradigme pour penser les effets de l'internationalisation des médias. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont progressivement, et je crois qu'on peut considérer ici que ce paradigme est devenu dominant, hein, dans le monde académique anglophone, en tout cas, il est devenu dominant, et on va voir comment est-ce qu'il a progressivement détrôné complètement des visions, les visions de l'économie politique critique. Donc pour esquisser ce parcours dans les théories de l'internationalisation des médias, je vais à chaque fois revenir sur des textes, hein, c'est un champ énorme, hein, et je ne vais pas étudier l'ensemble de la forêt, je vais m'appuyer sur quelques textes, hein, période par période, pour essayer, par petites touches comme ça, de retracer, hein, ce parcours théorique. Donc je commence par les travaux de l'économie politique critique de la communication, qui ont été parmi les premiers, j'aurais pu revenir avant, hein, mais ça aurait été peut-être un peu fastidieux, qui ont été parmi les premiers à s'intéresser aux enjeux que recèle l'internationalisation des médias. Donc, là, il ne faut pas appuyer sur la flèche, sur quoi est-ce qu'il faut... Ah, si, ça marche. Ah oui, il a une temporalité différente. D'accord. Donc voilà. Donc l'un des livres fondateurs de l'économie politique critique de la communication est un livre qui est publié par un chercheur américain, Herbert Schiller. Et vous voyez ici le titre de son ouvrage, Communication and Cultural Domination, Communication et domination culturelle. Le titre exprime bien l'un des thèmes forts qui va être celui des recherches critiques. Les recherches critiques replacent systématiquement, le livre de Schiller le fait, les autres qu'il a pu écrire, la dizaine d'ouvrages qu'il a pu produire le font, comme les autres ouvrages critiques, et il replace les processus d'internationalisation des médias dans le cadre des rapports de domination qui structurent les relations internationales. Donc le livre est écrit en 1976. Donc Schiller se penche sur les rapports de domination entre le Nord et le Sud et il se demande quel rôle jouent les médias dans ces rapports de domination. Et la réponse est sans équivoque. Les médias jouent un rôle central dans ces rapports de domination Nord-Sud, donc dans les années 60-70. L'un des intérêts de cet ouvrage et des autres travaux qui sont produits par l'économie politique critique, c'est de mettre à nu pour la première fois l'existence d'un système transnational, de montrer comment les médias et les flux médiatiques donc sont une partie d'un système transnational des médias et Schiller, avec d'autres, va montrer quels sont les acteurs de ce système transnational. Dans ce système transnational figurent en bonne place, bien entendu, les agents dominants de ce système, les agents dominants de son système. Pour Schiller, c'est clairement les multinationales, les grandes multinationales de la communication, sur lesquelles il revient, qu'il documente. On est en 1976. Il identifie aussi les relations qui unissent ces multinationales avec l'État américain, la façon dont elles se déploient à une échelle internationale. Et il identifie aussi avec d'autres les flux de communication donc, qui tissent leur réseau à travers la planète, la circulation des informations des agences de presse internationales, la circulation des films de cinéma, l'échange inégal en matière de programmes de télévision et autres. Donc voilà, donc premier rapport, la mise à nu d'un système transnational des médias et donc l'étude des flux, de l'inégalité des flux, les flux qui circulent, on est dans le cadre des géographies, de l'échange inégal, des flux qui circulent du centre vers la périphérie. Est-ce que c'est ce vocabulaire qui est utilisé par lui, flux transnational ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est le vocabulaire de l'économie politique. Oui. Marché global, etc. On est à un moment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un moment où l'on ne parle pas de globalisation. Il faut encore attendre, la fin des années 80 pour que le terme se répande dans l'académie anglophone. Mais on est à un moment où un bon nombre de ceux que l'on désigne par mondialisation des médias aujourd'hui est bien identifié par ces chercheurs. Je ne l'ai pas fait, mais en fait, avant eux, il y a deux courants. Il y a le courant dit de la modernisation. L'idée, grosso modo, c'est le courant développementaliste. L'idée, c'est les médias moyens de communication moderne vont permettre de développer le tiers-monde. Ce courant critique va dire non, les médias ne permettent pas de développer le tiers-monde. Les médias sont un instrument de sous-développement du tiers-monde. Et les autres thèses qui sont produites par rapport au domaine qui nous intéresse, c'est celle de Marshall McLuhan, début des années 60. Mais là, on n'a pas affaire à une thèse bien structurée, c'est plutôt de l'essai et sa formule du village global. Avec les moyens de communication électronique, l'humanité renoue avec des formes de communication qui étaient celles propres à l'ère orale, avant que ne se développe la civilisation de l'écrit grâce à l'imprimerie. Donc, voyez, et dans la théorie de la modernisation et chez Marshall McLuhan, il n'y a pas conscience que derrière ces phénomènes qu'on commence à percevoir, mais qu'on ne nomme pas encore internationalisation, il y a des logiques, il y a un système organisé avec des acteurs en place dont il faut étudier les relations. Donc voilà. Alors, Herbert Schiller va s'intéresser, avec d'autres encore, à la façon dont, à travers les produits de ces grandes multinationales de la communication, sont diffusées à une échelle planétaire, les images de la société de consommation à l'américaine. On a affaire à des médias commerciaux aux États-Unis, hein, bien avant les autres pays du monde, et ces médias commerciaux diffusent plus qu'ailleurs encore, les images de la société de consommation à l'américaine, donc du centre vers la périphérie, avec la force d'attraction qu'elle peut posséder. Et donc, un des enseignements de cet ouvrage, une des thèses de cet ouvrage, c'est que les multinationales de la communication, en tissant leur réseau planétaire, englobent les populations du monde dans une culture relativement homogène, qui est la culture de la marchandisation, une culture globale de la consommation, si vous préférez. Donc voilà. Donc ce faisant, ces travaux, et c'est l'une de leurs autres grandes conclusions, ces travaux montrent que les multinationales de la communication sont des acteurs, des agents majeurs de l'intégration des sociétés de la périphérie, dans une économie capitaliste mondiale, donc qui est dominée par les États-Unis et les puissances européennes. C'est-à-dire que on diffuse l'image des produits américains, on augmente le désir à l'égard de ces produits. Ainsi va le raisonnement. Et donc évidemment, c'est dans le cadre de ce raisonnement, l'internationalisation des médias est considérée comme étant porteuse de différents ordres de dépendance. C'est encore le vocabulaire que l'on étudie. L'internationalisation des médias est considérée comme étant porteuse de dépendance culturelle, bien sûr, puisqu'on importe des modèles qui ne sont pas des modèles culturels endogènes, ce sont les modèles culturels de la métropole, d'une certaine façon, des modèles culturels, mais derrière un modèle culturel, il y a bien évidemment d'autres ordres de dépendance, qui sont des ordres de dépendance politique et économique. Donc, cette économie politique de la communication ne se penche pas seulement sur sur les mécanismes de la domination, elle se penche aussi sur quels moyens peut-on mettre en œuvre pour échapper à ces mécanismes de domination. Quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour échapper aux effets considérés comme néfastes, on l'aura compris, de l'internationalisation. Et donc, dans ce cadre-là, les chercheurs critiques vont mettre en avant différentes notions. Vont mobiliser des notions sans suffisamment les questionner. Ça va arriver plus tard. Ils vont mettre en avant la notion d'identité nationale qu'il s'agit de défendre, la notion de culture nationale qu'il s'agit aussi de défendre, la souveraineté nationale. Donc il faut peut-être rappeler en deux mots le contexte dans lequel se développent ces travaux. Le contexte dans lequel se développent ces travaux, c'est celui du lendemain des indépendances. Un moment où la question de l'indépendance nationale a été une question au cœur des luttes de libération. Et donc ces pays, pour certains, donc nouvellement indépendants, voient se développer de nouvelles formes de dépendance auxquelles ils n'avaient pas pensé pendant la période de libération. Et donc ces intellectuels critiques sont aussi en phase avec ces aspirations des nouveaux États décolonisés. Donc là, il y a un ouvrage classique qui est celui que publie Herbert Schiller, toujours lui, avec son collègue finlandais, qui est très proche de l'UNESCO à ce moment-là, donc un ouvrage intitulé « Souveraineté nationale et communication internationale ». L'ouvrage est représentatif de ce qui pouvait se publier à cette époque-là, fin des années 70. Et l'ouvrage est intéressant parce que dans l'introduction, les deux auteurs disent en toutes lettres, voilà, la catégorie souveraineté nationale est une des catégories essentielles pour penser les questions de communication internationale. 1979. Donc voilà. Alors, ces différentes thèses vont être critiquées dès les années 70. Dès les années 70, ces thèses vont être âprement critiquées. L'un des plus célèbres critiques de ces thèses critiques, l'un des plus célèbres pourfendeurs même de ces thèses critiques, c'est Issiel de Solapoule. Issiel de Solapoule, qui est à l'époque professeur au MIT. Et Issiel de Solapoule, il faut le souligner, est aussi conseiller du gouvernement américain pour bien des choses. C'est à Issiel de Solapoule notamment que l'on doit la méthodologie pour interroger les exilés de l'Est sur leur pratique d'écoute des radios internationales. Donc c'est vous dire, hein. Certains disent même qu'il aurait aidé le gouvernement américain dans les opérations donc contre-insurrectionnel au Vietnam. Donc on a affaire à quelqu'un qui, pour reprendre une expression qu'utilise Herbert Schiller, fait de la recherche qui, pour certaines parties de celle-ci, relève de la recherche administrative. Mais ces idées méritent un petit détour parce qu'elles reviennent sur le devant de la scène avec les écrits sur la mondialisation, même si les auteurs qui sont à l'origine de ces écrits parfois ne se doutent pas que ce qu'ils écrivent peut faire penser à ces travaux d'Issiel de Solapoule. On y reviendra. Au cœur de l'argument d'Issiel de Solapoule, il y a une idée, il y a un constat. Il y a plutôt un argument, Un argument, c'est celui que la domination qu'exercent les produits culturels américains sur le marché international, il ne remet pas en question cela, il ne faut pas voir dans cette domination une volonté de domination du gouvernement américain ou des firmes multinationales américaines. Non, cette domination est le simple reflet de banales réalités économiques. Et elle a pour vocation, cette domination, à s'estomper au cours du temps, lorsque les pays en voie de développement auront appris à produire leurs industries culturelles et leurs contenus culturels. Donc quel est le raisonnement de Solapoule? À l'origine du raisonnement d'Issiel de Solapoule, il y a un constat. Toute culture est le produit d'interactions culturelles. D'enrichissement culturel grâce à l'importation d'éléments étrangers. Dans la culture nationale. Issiel de Solapoule explique, l'expression est de lui, il existe un cycle de diffusion culturelle. Il reprend ça à un de ses collègues, hein, qui parle de cycle de diffusion des produits. Et donc il copie cycle de diffusion culturelle. Cycle de diffusion culturelle, un cycle au cours duquel donc les éléments étrangers sont progressivement intégrés dans la culture nationale. Les éléments étrangers sont comme ingérés par la culture nationale, comme nationalisés si vous préférez, mais il n'emploie pas le terme. Et ce qui vaut pour les cultures en général, hein, pour la culture in abstracto, vaut aussi, nous dit-il, pour les industries culturelles et vaut aussi pour la télévision. Et c'est sur le cas de la télévision, comme vous le voyez dans le titre de l'article, qu'il se penche plus spécifiquement. Il nous dit en 1977, la télévision des pays du tiers-monde, elle est dans la première phase du cycle. Elle est dans une phase du cycle, donc, pendant laquelle les producteurs de télévision du tiers-monde n'ont pas de savoir-faire propre, n'ont pas les moyens de produire beaucoup de programmes. Et donc ils ont beaucoup de besoins en matière d'importation de programmes. Et donc cette première phase est naturellement marquée par une domination forte de programmes américains. C'est un mécanisme économique, le mécanisme de l'offre et la demande, si vous préférez. Il y a des programmes américains qui sont bien faits, et il y a une demande parce qu'il n'y a pas de savoir-faire et pas de capacité de produire assez. Donc il y a une, une forte domination naturelle de programmes américains. Pourquoi des programmes américains spécifiquement ? Parce que ces programmes américains sont issus d'un système commercial compétitif et qui produisent des programmes voués tout entiers à séduire les téléspectateurs. Néanmoins, ainsi va le raisonnement, néanmoins, dans la deuxième phase du cycle, les producteurs de programmes vont apprendre, grâce au modèle fourni par les programmes importés, vont apprendre à développer leurs propres programmes nationaux. Donc dans ce raisonnement, les programmes étrangers, les programmes américains, loin de tuer la production nationale, comme le laissaient supposer les chercheurs critiques, les programmes étrangers, loin de tuer la production nationale, d'une certaine façon, l'aident, constituent un facteur d'émulation pour la production de programmes nationaux. Et ces programmes nationaux, on reprend le raisonnement du cycle, et ces programmes nationaux seront à la fin de la deuxième phase du cycle, ces programmes nationaux seront capables de concurrencer les programmes étrangers qui ont été importés dans la phase précédente, voire même de conquérir un public international, s'ils ont bien été réalisés. Donc on a une vision relativement harmonieuse des problématiques du commerce international de la télévision. À l'idée que les importations sont négatives, lui développe l'idée inverse. Les importations sont bénéfiques, elles apprennent aux pays du tiers-monde à développer des programmes compétitifs. Alors on comprend dans ce cadre-là que Ciel de Solapoule soit extrêmement hostile à tout ce qui est mesures protectionnistes. Toute politique de protection d'une industrie culturelle, évidemment, ne peut aboutir qu'à protéger une production culturelle médiocre, selon son argument. Politique protectionniste ne peut aboutir qu'à la protection d'une production qui n'a pas pu bénéficier de l'effet d'émulation des importations. Donc on voit bien où mène, quel est l'agenda d'Ciel de Solapoule, son argument est en quelque sorte une apologie du modèle américain de télévision, premier point, et c'est une apologie aussi du libre-échange en matière de télévision, et donc de la thèse américaine du free flow of information, de la libre circulation de l'information. Donc voilà. Alors dans les années 80, là on est dans les années 70, dans les années 80 va s'opérer une mutation importante dans la façon de se représenter les flux transnationaux de produits culturels. Ces flux transnationaux de produits culturels étaient vus par l'économie politique, critique, comme de puissants vecteurs idéologiques, qui menaçaient l'intégrité des cultures nationales. Au cours des années 80, on va de plus en plus reprocher à ces analyses de l'économie politique critique d'être sous-tendues par une vision quelque peu négative, des produits de la culture de masse. De plus en plus, on va s'en prendre à ces visions négatives de la culture de masse. Or, on est dans les années 80, et dans les années 80, comme vous le savez, les Cultural Studies britanniques, et les travaux qui sont menés au sein de ces Cultural Studies britanniques sur les cultures subalternes, vont faire beaucoup pour, au contraire, donner une légitimité à ces produits de la culture de masse, souvent à l'époque dépréciés. Donc dans les années 80, double, triple rupture peut-être. D'abord, on va présenter ces produits de la culture de masse comme légitimes, et mieux, on va considérer, une fois qu'ils ont acquis cette légitimité, qu'ils constituent des ressources pour ceux hein, qui, pour ceux qui les consomment. Donc là, il y a un texte très important qui est celui de Dick Hebdige. Hein, Dick Hebdige, qui est plus connu pour un autre ouvrage. Hein, lui, c'est un spécialiste des musiques populaires. Hein, et mais dans ce petit texte, il donc vers une cartographie du goût. Dans ce texte publié en 1981. Il revient sur les controverses suscitées en Grande-Bretagne par l'arrivée de différentes formes culturelles aux méthodes de production industrialisées. Il revient sur les controverses suscitées par l'arrivée de différentes formes culturelles, mais qui ont toutes en commun d'être issues de méthodes industrielles, donc, et qui sont américaines. Et il met en relief deux choses. D'abord, le profond mépris qu'affichent les élites culturelles et les élites politiques de tous bords au Royaume-Uni à l'égard des produits issus de la culture de masse américaine. Là, je me concentre dans l'explication sur ce qu'il a pu écrire sur l'arrivée du rock'n'roll. Mais le texte va bien au-delà. Donc ces produits sont considérés comme mettant en danger, je cite, les valeurs fondamentales britanniques ou européennes, sans que l'on sache bien quelles sont les valeurs fondamentales britanniques ou européennes. Et là où son texte est particulièrement intéressant, c'est qu'il montre qu'à des lieux de ce mépris des élites intellectuelles à l'égard de ces formes de la culture de masse américaine, les jeunes, et les jeunes de la classe ouvrière britannique en particulier, eux, utilisent le rock'n'roll, l'investissent, et utilisent ces musiques, et utilisent, en retirent, s'approprient les valeurs, l'hédonisme, le plaisir, investissent ces valeurs de signification oppositionnelle et intègrent donc et ces musiques et les valeurs qu'elles charrient dans leur fabrique identitaire. Donc au cœur du texte, il y a un argument qui va devenir de plus en plus important, qui est encore important aujourd'hui, c'est l'idée que les flux culturels transnationaux, même s'ils sont dominants, ce qui est le cas du rock'n'roll à la fin des années 50, qui s'exporte largement à une échelle internationale, les flux culturels transnationaux, même ceux qui sont dominants, plutôt que de devoir être considérés comme porteurs de péril pour les cultures nationales, plutôt que de devoir être porteurs de péril pour les identités nationales, gagne à être vu comme une ressource à partir de laquelle certains consommateurs peuvent déployer de nouvelles formes d'identification hors des cadres oppressants de la dite culture nationale. Progressivement, on voit se changer le cadre d'analyse. Les flux transnationaux qui étaient chargés négativement deviennent un peu plus positifs, et les cultures nationales qui étaient chargées positivement deviennent un peu plus négatives. Mais ce n'est que le premier temps du mouvement. Alors, et là s'opère un glissement. L'argument qui est développé dans ce texte, à partir du cas du rock'n'roll, du rhythm and blues, un peu plus tard, l'argument qui est développé dans ce texte va être importé dans les études sur la réception de la télévision. C'est-à-dire que on va reprendre l'argument du succès du rock'n'roll et de cette ressource qu'il constitue pour les jeunes de la classe ouvrière pour expliquer le succès de programmes beaucoup moins contestataires que le rock'n'roll dans les années 50, hein, et de programmes dans les années 80 qui sont beaucoup moins contestataires que ne l'était le rock'n'roll, donc de programmes américains sur les écrans des pays du monde. Donc à cet égard, il y a eu un programme laboratoire, hein, c'est Dallas. Hein, Dallas, on a plus d'études sur Dallas qu'on en a sur d'autres programmes américains. Même Big Brother n'a pas réussi à battre Dallas au panthéon des programmes les plus étudiés. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant les années 80, Dallas est le symbole de l'impérialisme américain. Et donc si on réussit à montrer que le symbole de l'impérialisme américain, eh bien, c'est pas si dangereux que ça, on aura démontré qu'il faut faire attention avec l'ensemble de la production culturelle américaine. Et c'est ce que vont s'atteler, hein, à faire différents chercheurs, donc issus de traditions de recherche différentes. Donc un des premiers ouvrages, là encore j'en sélectionne deux parmi une forêt d'ouvrages sur Dallas, un des premiers ouvrages produits sur la question et qui a compté, c'est un ouvrage produit par une jeune chercheuse, hein, c'est sa thèse qu'elle produit à l'époque, Yen Hang, donc un ouvrage qui est publié d'abord en hollandais en 82, puis traduit en 85. Et sa recherche s'inscrit très clairement dans le cadre esquissé par Dick Ebdige. Donc, premier point, Yen Hang tourne résolument le dos aux critiques virulentes qui sont formulées contre Dallas en Hollande, comme dans le reste de l'Europe. Hein, comme dans le reste de l'Europe, Dallas étant considéré, comme elle le rappelle dans son ouvrage, hein, comme le symbole de la mauvaise culture de masse américaine. Donc, et considéré comme un programme qui ne produit que de l'aliénation culturelle, entre guillemets. Et donc, elle choisit de ne pas se ranger du côté des intellectuels qui condamnent Dallas, mais plutôt de se ranger du côté des téléspectateurs. De se ranger du côté des téléspectateurs pour essayer de comprendre les ressorts du programme. Pourquoi le programme est un succès? Et en Hollande, comme dans les autres pays européens, Dallas, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, c'est un sacré succès. Hein. Donc, pourquoi? Pourquoi? En France. En France, voilà. Oui, jusqu'au point de susciter une tentative de copie avec Château-Vallon. Ouais. Mais c'est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Donc elle va montrer une chose simple, hein, mais à laquelle il fallait penser. Elle montre que le programme ne s'impose pas en bloc à ses téléspectateurs. Et à ses téléspectatrices, parce que les femmes sont très importantes dans le public de Dallas. Donc le programme ne s'impose pas en bloc. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est les téléspectateurs et les téléspectatrices qui picorent des éléments à l'intérieur du programme, les éléments qui les intéressent, les éléments qui leur procurent du plaisir. On retrouve cette importance du plaisir, comme chez Dick Ebdige. Donc, le plaisir, elle le trouve dans la peinture des relations sociales, des relations interpersonnelles qui sont dessinées dans Dallas, hein, des relations interpersonnelles un peu complexes avec beaucoup de relations problématiques, la question du travail, la question de l'alcoolisme, la question des amours contrariés, la question de la famille qui est très importante. Et donc cette peinture des difficultés que rencontrent les personnages, c'est ça qui est source de plaisir, et c'est ça qu'elle traque dans Dallas. Et donc Yen Hang, d'une certaine façon, elle dit ce programme constitue pour elle une ressource. L'argument est shippé à Dick Ebdige. Ce programme constitue pour elle, pour ces personnes, pour ces téléspectateurs, ces téléspectatrices, une ressource à partir de laquelle ils peuvent mieux comprendre leur propre tracas ordinaire. Donc cette étude va mettre en relief le caractère actif de la réception. C'est une des premières recherches qui souligne le caractère actif de la consommation télévisuelle. Et donc cette étude, elle montre aussi que le téléspectateur résiste plus au contenu idéologique qu'on ne pouvait le penser dans les années 70. Et donc à cet égard-là, cette étude va remettre en cause un des postulats implicites sur lequel reposaient les thèses de l'économie politique critique de la communication. Elle s'attaque à un de ces postulats implicites, le postulat de la toute-puissance de l'idéologie véhiculée par les produits des multinationales de la communication. Donc ce type de résultat, l'idée que ces produits n'imposent pas leur contenu idéologique de façon aussi facilement qu'on pourrait le penser, ce type de conclusion va être mobilisé pour essayer d'invalider à partir de l'instance de la réception, donc les thèses de l'économie politique critique. Un ouvrage va essayer de faire ça, c'est l'ouvrage classique de Tamar Liebes et de Eliu Katz sur les lectures interculturelles de Dallas. Dans leur avant-propos, ils disent clairement, voilà, nous allons démontrer que les téléspectateurs en Israël, leur terrain est situé en Israël, ils étudient la façon dont des gens de différentes origines ethniques, disent-ils, lisent différemment le programme de Dallas. Ils étudient la façon dont les juifs marocains regardent Dallas, dont les russes regardent Dallas, dont des membres d'un kibbutz regardent Dallas. Et ils vont montrer comment, en fonction de l'origine ethnique, on pourrait en discuter parce que ça pose problème, en fonction de l'origine ethnique, donc les différents téléspectateurs ont des types de lecture différents et ont des types de résistance à l'égard du programme différents. Et pour eux, ça condamne de façon irréversible les théories de l'école critique. Donc leur conclusion, parce que ça introduit ce qui va suivre. Leur conclusion, c'est que si des programmes comme Dallas, j'ouvre les guillemets, peuvent diffuser un message homogène dans le village global, il y a néanmoins pluralisme dans le décodage. Peu importe si le système transnational des médias véhicule une certaine homogénéisation culturelle, de toutes les manières, au moment du décodage, il y aura pluralisme. Le message, c'est bon, même si l'économie politique est dominée par les grands agents américains, il y a toujours le niveau de la réception où est préservé un certain pluralisme. Sachant que les termes encodage, décodage sont vraiment des termes très particuliers des cultural studies. Voilà, tout à fait. Oui. Donc là, c'est très étonnant parce que Eliu Katz et Tamar Liebes ne viennent pas des cultural studies. Eliu Katz, c'est la sociologie fonctionnaliste américaine, c'est le two-step flow of communication avec Lazarsfeld. Après, c'est les uses and gratification. Entre-temps, il aura publié un ouvrage contre l'économie politique critique de la communication. Donc, il règle ses comptes aussi à travers cet autre ouvrage. Mais il reprend le vocabulaire des cultural studies. C'est un moment où il y a une convergence entre des courants de recherche très différents, les cultural studies qui ont une dimension critique forte, et une sociologie plus fonctionnaliste américaine, avant que de nouveau ça se sépare. Donc, mais on voit comment est-ce que la question du système transnational, homogénéisation, hétérogénéisation, déjà commence à se poser. Et la question va se reposer à partir de la fin des années 80. À partir de la fin des années 80, plusieurs grandes ruptures vont apparaître dans la façon d'appréhender les enjeux de l'internationalisation des médias. Une de ces ruptures, c'est le nouveau regard. C'est le nouveau regard qui est proposé sur la nature du système capitaliste mondial, rien de moins, et partant, et c'est ça qui nous intéresse ici, sur le système transnational des médias. Ce système transnational des médias va être vu, à partir de la fin des années 80, de façon totalement différente par rapport à la période précédente. Donc, rappelez-vous, le système transnational des médias était vu par l'économie politique critique comme porteur de logique d'homogénéisation culturelle. La marchandisation du monde, pour résumer un petit peu, et pour reprendre des thèses qui continuent à circuler sous la plume, sous des plumes journalistiques souvent. Donc le système transnational des médias, qui était soupçonné d'être un agent d'homogénéisation culturelle du monde, va au contraire, à partir de la fin des années 80, de plus en plus être représenté comme générateur d'hétérogénéisation culturelle. D'hétérogénéisation culturelle. Donc là, l'un des principaux livres qui est à l'origine de cette rupture, c'est celui du géographe britannique David Harvey, The Condition of Postmodernity, donc publié en 1989. L'intérêt de l'ouvrage est de se pencher sur les conditions sociales, économiques et politiques qui produisent cette condition postmoderne. Et dans son ouvrage, cette condition postmoderne, elle est appréhendée de façon critique. Donc l'hypothèse centrale que fait David Harvey, que formule David Harvey, c'est que le système capitaliste mondial et l'ordre culturel qui lui est associé connaissent une mutation importante depuis 73. L'argument, c'est il y avait le système capitaliste fordiste, et après le premier choc pétrolier, progressivement, succède à ce système capitaliste fordiste un nouveau système capitaliste post-fordiste. Donc le précédent était plus multinational, celui-ci est plus global, pour reprendre une terminologie d'Harvey. Donc le système capitaliste fordiste était caractérisé par une production et une consommation de masse. Le système capitaliste post-fordiste est en lui caractérisé par sa flexibilité. Flexibilité, c'est-à-dire que sa capacité à épouser la segmentation des marchés. Capacité à épouser les attentes spécifiques du public, et à répondre aussi au caractère éphémère des modes, le caractère toujours plus éphémère des modes. Or, selon David Harvey, à chaque ordre capitaliste donné correspond un ordre culturel donné. Donc au sein du capitalisme fordiste, c'était développer un ordre culturel standardisé. Grosso modo, c'est celui que décrit Schiller. Harvey ne le dit pas, mais c'est comme ça qu'on peut le lire. Herbert Schiller, lorsqu'il parle du rôle des multinationales de communication, il a tendance à penser à cet ordre capitaliste-là. Et Harvey, il nous dit en 89, attention, il y en a un autre qui s'est mis en place. Justement au moment où Herbert Schiller développait ses thèses sur l'homogénéisation culturelle du monde sous la force des multinationales de la communication américaine. Donc un ordre culturel standardisé, pendant l'ère fordiste, un ordre culturel standardisé qui a une fonction essentielle à travers les médias et la publicité, c'est d'assurer la correspondance entre la production d'un côté et la consommation. Il y a une obligation de régulation, puisqu'il cite les économistes de la régulation. Si on n'assure pas cette correspondance, le système est en crise. Donc, maintenant, dans le système capitaliste post-fordiste, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a toujours ce rôle essentiel que jouent les médias et la publicité de correspondance entre la production et la consommation. Rôle essentiel, toujours. On est toujours dans un ordre commercial, un ordre de la marchandise. Mais, comme on est dans un système capitaliste flexible, cet ordre culturel n'est plus considéré comme produisant de la standardisation culturelle. Puisqu'il épouse la segmentation des marchés. Il cherche à satisfaire les menus désirs des menus consommateurs. D'accord ? c'est fini le temps de la production de masse pour la consommation de masse. Hein, maintenant, c'est de la consommation à la demande. D'accord ? Donc voilà. Donc les médias qui étaient vus comme produisant de la standardisation culturelle sont désormais vus comme produisant. Hein, cet univers de fragmentation culturelle, qui est censé être la condition post-moderne. Alors, ces thèses de David Harvey vont exercer une grande influence dans le monde anglophone, y compris jusqu'en France, puisque l'ouvrage a été traduit. Ces thèses vont en particulier nourrir la pensée de Stuart Hall. Stuart Hall, donc grande figure des cultural studies britanniques. Donc, on parlait de décodage, le modèle de l'encodage-décodage, c'est Stuart Hall. Mais là, on est dans un autre pan de la pensée de Stuart Hall. Et donc, les travaux de David Harvey marquent, on voit bien, à la fin des années 80, marquent sensiblement la pensée de Stuart Hall et invitent Stuart Hall à penser la mondialisation culturelle comme un phénomène contradictoire. Jusque-là, il n'est pas question de mondialisation. Il faut ce passage à Stuart Hall pour que l'on voit commencer à apparaître la question de la mondialisation culturelle. C'est pas en ces termes-là que David Harvey en 89 théorise son propos, mais par le truchement de Stuart Hall, on rentre dans le thème de la mondialisation culturelle. Donc, la mondialisation culturelle, nous dit Stuart Hall dans des textes écrits donc au tout début des années 90, la mondialisation culturelle est un phénomène contradictoire parce que puisque la culture de masse globale a une dimension commerciale, elle produit de l'homogénéisation culturelle, ou plutôt c'est une force d'homogénéisation culturelle, mais, et tout de suite l'auteur d'ajouter, et c'est une espèce de dialectique que l'on va retrouver chez d'autres auteurs, mais dans le contexte du capitalisme post-fordiste, la culture de masse doit aussi être considérée comme une force d'hétérogénéisation culturelle. On a cette apparente contradiction. Et il va jusqu'à décrire les firmes globales du divertissement comme ayant appris à vivre et à travailler avec la différence. Entre guillemets, c'est une expression qu'il utilise, parce qu'elles cherchent à épouser les spécificités de leurs consommateurs, même si par ailleurs le paysage des communications mondiales est surcommercialisé et surconcentré, comme il le note lui-même. Donc ça c'est une des grandes ruptures de la fin des années 80. L'autre grande rupture, c'est la déconstruction. L'autre rupture pour l'internationalisation des médias, c'est la déconstruction des notions de culture et d'identité nationale. Ces notions étaient au cœur de l'édifice théorique. J'ai esquissé la chose tout à l'heure. Ces notions étaient au cœur de l'édifice théorique de l'économie politique critique de la communication. Ces notions étaient investies de connotations largement positives. Elle permettait de mettre les nations du tiers-monde à distance des effets négatifs du système transnational des médias. Et ces notions vont, dans le contexte des écrits sur la mondialisation, être investies de dimensions beaucoup plus négative. Et là encore, Stuart Hall joue un rôle très important dans la critique des notions d'identité ou de culture nationale. Donc dans d'autres textes publiés en 91 et juste après, il explique en quelques mots que les notions d'identité et de culture nationale ont pendant trop longtemps été considérées comme données, comme allant de soi. Or, ces notions doivent être considérées, il doit reprendre l'expression comme des productions idéologiques ayant pour vocation d'absorber les différences que compose la nation. Leur objectif, c'est de produire une entité homogène là où il y a une grande diversité. L'argument, là, c'est que les logiques de mondialisation mettent à nu le travail idéologique qu'il y a derrière la construction de la nation. Les logiques de mondialisation, et lorsque Stuart Hall parle de logique de mondialisation, il a en tête l'interdépendance globale, l'interdépendance économique globale, l'immigration, très important chez Stuart Hall, je ne reviens pas là-dessus, et aussi la circulation, bien entendu, des médias, hein, qui est moins bien, sans doute beaucoup moins bien théorisée par Hall que la question des migrations ou même de l'interdépendance économique globale. Et ces logiques de mondialisation, donc, forcent même à repenser. Elles déconstruisent la fiction nationale et elles forcent à repenser les cultures et les identités nationales, et en particulier à prendre en considération les influences extérieures dont se nourrissent les identités et les cultures nationales. La mondialisation force à prendre en considération les influences extérieures dont se nourrissent identité et culture nationale. L'affaire est bien connue, hein, Stuart Hall appelle à penser les identités culturelles comme n'étant pas définies une fois pour toutes, hein, comme étant toujours en formation, en construction, comme se redéfinissant en permanence sous la pression des contacts culturels extérieurs. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est que cette théorisation donc de la culture comme en formation, des identités et des cultures comme en formation, va avoir de profondes répercussions sur la façon de penser les contacts transnationaux, hein, va avoir de profondes répercussions sur la façon de penser les effets de la transnationalisation des médias. Les influences culturelles transnationales. Les influences culturelles transnationales étaient considérées par l'économie politique critique comme des menaces. Les flux transnationaux étaient considérés comme des menaces par l'économie politique critique, comme des menaces pour l'intégrité des cultures nationales. Elles vont désormais être considérées comme, au contraire, enfin plutôt ces flux transnationaux vont être désormais considérés comme participant à la redéfinition des cultures nationales. Ces flux qui étaient dangereux vont être considérés comme participant à la redéfinition des cultures nationales. Et quand je dis redéfinition, pour certains auteurs, c'est enrichissement de ces cultures nationales. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette théorisation des cultures qui a cours dans les cultural studies à ce moment-là converge avec celle qui a cours dans un autre champ, celui de l'anthropologie, en tout cas chez certains anthropologues, tous n'adhèrent pas à cette façon de voir, mais on retrouve cette façon de théoriser les cultures chez d'autres auteurs, et en particulier des anthropologues, et en particulier un anthropologue suédois, Ulf Anners, qui est important puisqu'il intervient dans ces discussions sur l'internationalisation des médias. Il intervient en prenant à partie directement ce que ne fait pas du tout Stuart Hall, qui ne semble pas connaître les travaux qui existaient en économie politique de la communication avant lui. Ulf Anners, lui, il prend à partie ses travaux. Il accuse les chercheurs de l'économie politique critique de postuler l'existence d'une pureté culturelle, d'une authenticité culturelle qui serait menacée par les produits de la culture transnationale. Donc, il accuse les chercheurs de l'économie politique critique de travailler avec une vision qui postulerait l'existence de pureté culturelle, d'authenticité culturelle. En faisant comme ça, continue-t-il l'argument, en faisant comme ça, on ne peut penser, en postulant que les cultures sont pures ou authentiques, on ne peut penser la rencontre entre une culture transnationale et une culture locale qu'en termes de compétition, explique-t-il. Or lui, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faut considérer cela nécessairement en termes de compétition ou menace pour la culture locale. Lui, il propose de penser le rapport entre culture transnationale et culture locale en termes, je le cite, de coexistence et d'interaction créative. En termes de coexistence et d'interaction créative. L'idée, c'est que donc la culture transnationale peut, par brassage culturel, aboutir à l'élaboration de nouvelles formes culturelles locales. Donc, il peut y avoir production de nouvelles formes locales grâce au brassage culturel, donc à l'origine duquel peut être la forme culturelle transnationale. Et il donne un exemple pour que ce soit limpide. Il donne l'exemple des feuilletons nigérians. Nigérian, il a beaucoup travaillé au Nigeria, il connaît bien ce pays. Et les feuilletons nigérians sont le produit d'une rencontre entre un savoir-faire télévisuel américain, britannique peut-être, et une culture locale. Et le produit, nous dit-il, est une nouvelle forme culturelle qui reflète la vie quotidienne locale et qui rencontre un grand succès à la télévision nigériane où ils sont alors diffusés. Donc au scénario de l'homogénéisation culturelle, il propose un autre scénario. Il n'exclut pas complètement le scénario de l'homogénéisation culturelle globale, mais il lui préfère un autre scénario, et le scénario qu'il propose, c'est celui de la créolisation. L'avenir du monde réside, nous dit-il, dans la créolisation. Donc créolisation, on voit bien le sens du terme, c'est ce processus par lequel donc, les cultures locales, quand elles sont confrontées à une culture transnationale dominante, s'approprient les codes de cette culture transnationale et créent à partir de celle-ci une nouvelle forme culturelle créolisée. Donc on voit l'intérêt des travaux de Hölfaner, c'est de replacer le processus de créolisation dans le contexte d'une domination, de la domination. Hölfaner insiste largement sur le fait que les flux culturels transnationaux sont largement dominés par quelques pays. Et la créolisation apparaît dans ce contexte-là comme un mode de résistance aux flux dominants. Et il souligne, ce que ne soulignaient pas assez sans doute les chercheurs critiques, la capacité de résistance des cultures locales. Chez les chercheurs critiques, c'est vrai que lorsqu'on lit ces textes plusieurs décennies après, il y avait parfois des visions un peu misérabilistes de la culture du tiers-monde. Et l'intérêt de ces visions, c'est de changer le regard et de montrer les capacités de résistance. Donc d'autres termes que celui de créolisation vont être proposés par d'autres anthropologues. Donc Aryo Napadura, il va utiliser lui le terme, un autre terme, un terme concurrent de celui de son collègue et ami Hölfaners, le terme d'indigénisation, mais il l'utilise dans un sens très proche. L'anthropologue argentin vivant au Mexique, donc qui va participer à ces débats parce qu'il va être traduit en anglais assez vite. Donc lui, Nestor Garcia Canclini, il parle lui plutôt d'hybridation pour désigner ces phénomènes. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la continuité de ces travaux qui se penchent sur la façon dont les flux transnationaux alimentent la reconfiguration des cultures locales, vont se développer d'autres travaux qui se penchent, cette fois-ci, à partir du début des années 90, sur la façon dont ces flux transnationaux nourrissent la recomposition des identités individuelles. Des identités individuelles. Là, c'est plus seulement la recomposition des cultures nationales, mais c'est la recomposition des identités individuelles. Alors ces recherches se nourrissent, lorsqu'on les lit, on voit bien, hein, se nourrissent systématiquement des apports de la théorie de la réception, hein, que j'ai cité, que j'ai esquissé tout à l'heure, hein, mais ils vont plus loin, dans le cadre des théories de la mondialisation culturelle. Donc là, il est nécessaire de faire un détour par l'ouvrage de d'Aryuna Padurai, donc Modernity at Large, donc qui porte, comme son sous-titre en anglais, l'indique clairement, hein, sur les dimensions culturelles de la mondialisation. Au cœur de la pensée d'Apadurai réside l'idée que les flux concomitants de médias électroniques et de population, hein, jouent un rôle central dans le monde contemporain. Là, je résume, l'idée c'est que ces flux, hein, ont pour effet d'affranchir l'imagination, ces flux ont pour effet d'affranchir l'imagination des individus, des espaces locaux où cette imagination était auparavant cantonnée. L'idée, c'est l'imagination est libérée, hein, elle est libérée, elle n'a plus les frontières nationales, hein, pour conteneur. Donc, ce qui va, nous dit l'anthropologue, ce qui va permettre une transformation des subjectivités quotidiennes, je cite, hein, une transformation des subjectivités quotidiennes, donc des identités individuelles. Hein. Donc, Aryuna Padurai établit un parallèle entre le rôle qu'a pu avoir la presse écrite, hein, dans la formation des nations, et le rôle que joue aujourd'hui, hein, les médias électroniques dans l'avènement, au contraire, non plus d'une nation, mais d'une ère transnationale. Donc il fait référence aux travaux de Benedict Anderson, hein, qui montre comment le développement de la presse écrite a pu, hein, en offrant à ses lecteurs le sentiment d'appartenir à un ensemble national plus vaste, contribuer à donner corps à une communauté imaginée, la communauté imaginée de la nation. Et donc, dans le prolongement de celui-ci, Apadurai montre comment les moyens de communication électronique, hein, en permettant des liens à travers les frontières, hein, participent à la gestation d'un monde post-national. Ces affiliations transnationales, grâce à la médiation électronique, permettent de produire, dit-il, un sens plus hybride de la subjectivité. Donc on voit comment est-ce que l'argument des cultures hybrides est repris ici, mais pour les subjectivités. Subjectivité hybride, parce que le téléspectateur a désormais accès à des images déterritorialisées, et ces mondes imaginés peuvent se déployer à l'échelle planétaire. Donc en harmonie avec ces travaux, des sociologues vont au même moment, sensiblement, se pencher eux aussi sur la manière dont les individus s'approprient les flux transnationaux. Là, on fait un petit détour par les écrits du sociologue britannique Anthony Giddens et son ouvrage, donc publié en 1991, Modernity and Self-Identity. Donc, grâce à la mondialisation, nous dit-il en substance, grâce à la mondialisation, les individus ont quotidiennement accès à un univers social plus vaste qu'auparavant. C'est une des grandes transformations de la mondialisation, cette ouverture. Une citation pour que vous en ayez une petite illustration, les mondes phénoménaux de la majorité sont véritablement globaux, va-t-il jusqu'à écrire. Les mondes phénoménaux de la majorité sont véritablement globaux. Évidemment, dans cet aspect, les médias jouent un rôle central. Dans cette question, les médias jouent un rôle central, même si la question est peu théorisée par l'auteur. Les médias, nous dit le sociologue, permettent aux téléspectateurs, aux citoyens, d'avoir accès à un nombre très varié de milieux. Ce qui nourrit leurs identités réflexives. Donc celui qui va, diffuser à une grande échelle dans les théories de la mondialisation culturelle les écrits d'Anthony Giddens, c'est John Tomlinson, un autre sociologue britannique qui va populariser les thèses d'Anthony Giddens et qui va véritablement les rapatrier dans le champ des travaux sur l'internationalisation de la communication. Donc il développe la même thèse que Giddens. Hein. Son argument majeur, c'est que grâce à la multiplicité des flux de communication, hein, les populations en temps de mondialisation disposent d'une ressource culturelle. Le terme est de John Tomlinson. On retrouve encore ce terme, hein, cette idée de la ressource culturelle. En temps de mondialisation, donc, les populations ont, grâce aux flux de communication transnationaux, des ressources culturelles dont elles ne disposaient pas avant. Là, l'idée, c'est, je pense que vous avez compris, hein, c'est que ça permet de diversifier les expériences culturelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que John Tomlinson prend explicitement parti contre les thèses de l'économie politique critique. Donc il dit, voilà, le scénario, hein, dans un des derniers chapitres, le scénario de la monoculture sous le signe d'Hollywood, hein, n'est pas le bon scénario. Le scénario à prévoir, hein, c'est celui où les moyens de communication permettent de développer l'horizon culturel des individus. Voilà, donc maintenant, en conclusion, quels sont les apports et les limites de ces approches pour penser l'internationalisation des médias? Plusieurs apports, incontestablement, plusieurs apports. D'abord, la prise en compte, grâce aux travaux de David Harvey, de l'hétérogénéité de la production médiatique au sein du système transnational. L'hétérogénéité de la production médiatique au sein du système transnational. On ne peut pas considérer, hein, tous les produits culturels sur le même plan. Il faut être attentif, hein, à la diversité des situations. Autre apport, ces travaux invitent à utiliser de façon plus prudente, hein, des notions qui ont été utilisées de façon trop acritique par l'économie politique. On pense évidemment aux notions d'identité nationale, de culture nationale, pire, de souveraineté nationale. Souveraineté nationale, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire au nom de la souveraineté nationale? Et puis, dernier point, on pourrait aller plus loin, hein, et c'est sans doute l'un des grands apports de ces travaux, même si c'est aussi là où le bât blesse. Donc ces travaux invitent à analyser de façon plus fine les appropriations. Le problème avec les travaux de l'économie politique critique, hein, c'est qu'ils se penchaient beaucoup sur le système transnational, sur le niveau macro, hein, mais négligeaient la nécessité d'étudier finement les appropriations, tant la façon dont les cultures nationales s'approprient les flux transnationaux, mais la façon aussi dont les individus s'approprient, bricolent ces flux transnationaux. Alors maintenant, ces travaux ne sont pas aussi sans. Ces perspectives ne sont pas sans limite, hein, et sans zone d'ombre. Premièrement, le premier problème, la question de la mondialisation culturelle tend dans ces travaux à n'être étudiée justement qu'à partir des appropriations. La question de la mondialisation culturelle tend justement dans ces travaux à n'être étudiée justement qu'à partir des appropriations. Or, ces appropriations, pour intéressantes qu'elles soient, se déroulent dans un cadre global. Dans un cadre global. Et ce cadre global est systématiquement occulté. Dans les derniers textes que j'ai évoqués, hein, il n'y a aucune analyse sur le système transnational des médias. On est dans ce paradoxe où l'on avait plus d'analyses sur le système transnational des médias, on en savait plus sur le système transnational des médias, sur son architecture, sur les acteurs, sur les flux, qu'aujourd'hui. Savez-vous qu'aujourd'hui, on n'a pas une seule étude d'ensemble sur la circulation des flux télévision ? Non. Alors qu'en 1973-74, ces chercheurs critiques, justement, Karl Nordenstrang, avec son collègue Tapio Varis, donc de l'université de Tampere, proposait la première étude, qui a été réactualisée en 84-85, dans le cadre de l'UNESCO. Depuis, on parle de mondialisation culturelle et du rôle essentiel que joue la télévision, mais on parle sur des bases extrêmement friables, parce qu'on n'a aucune statistique d'ensemble. On n'a aucune vision d'ensemble. La seule région du monde pour laquelle on ait des statistiques à peu près fiables, c'est l'Europe. La grande Europe, grâce au travail fait par l'Observatoire européen de l'audiovisuel à Strasbourg, et le travail fait par mon collègue donc André Lange, qui appartient à cette tradition de l'économie politique critique. Donc, mais il n'a pas choisi l'université, il a choisi de travailler pour les institutions européennes. Mais on retrouve ce souci de mesurer les flux. Le travail aujourd'hui serait important, difficile à faire. Avec la multiplication des télévisions, ce ne serait pas une mince affaire. Donc on a pas grand-chose sur l'architecture de ce système transnational. On a moins de choses alors que le système transnational est beaucoup plus puissant aujourd'hui. Paradoxal. Par ailleurs, autre problème de ces analyses, c'est qu'elles mettent au cœur, on l'a bien senti là sur les derniers textes cités, elles mettent au cœur la question des médias. Les médias sont un agent essentiel des logiques de déterritorialisation qu'elles analysent, mais jamais ils ne se posent la question qu'est-ce que c'est les médias ? Qu'est-ce que c'est les médias ? Les médias restent dans ces travaux une boîte noire, un élément neutre. Comme si les médias n'étaient pas structurés par eux-mêmes des relations de domination, par des logiques de fonctionnement très spécifiques et qui gênent la capacité qu'ils ont à être soi-disant ces forces de déterritorialisation. Il y aurait beaucoup à dire sur cette question-là. On peut formuler l'hypothèse exactement inverse de celle qui est celle de ces auteurs. L'idée de ces auteurs, je schématise un petit peu, mais c'est les médias agents de cosmopolitisme ordinaire, en fait. On pourrait dire exactement le contraire. On pourrait formuler l'hypothèse exactement inverse. Et regarder un peu la télévision française, et malheureusement, on n'a pas assez de travaux sur ces questions-là. Mais des petits bouts de travaux par-ci, par-là, nous laissent penser que la télévision n'est pas un média aussi ouvert sur la mondialisation culturelle que semble le suggérer ces travaux qui ne mettent pas les mains dans la boue des médias ne descendent pas au niveau de l'analyse des images de ce qui est programmé sur les différentes chaînes. Donc on arrive à un paradoxe avec ces travaux se penchent sur les conséquences de l'internationalisation des médias. Ces travaux se penchent sur les conséquences de l'internationalisation des médias sans jamais étudier les processus d'internationalisation des médias eux-mêmes. Donc on ne sait rien sur les processus d'internationalisation. La mondialisation culturelle n'est étudiée que dans les conséquences que peuvent avoir les processus de mondialisation. Les processus de mondialisation eux-mêmes ne sont pas interrogés. Enfin, et là, si vous avez eu Jonathan Friedman le mois dernier, il a dû insister sur ce point, ces nouvelles approches pensent les conséquences culturelles de la mondialisation en termes largement spéculatifs. En termes largement spéculatifs, des châteaux théoriques, et qui sont parfois construits sur le sable. En tout cas, le contraste est grand entre la sophistication des analyses théoriques et la pauvreté des analyses empiriques en ce qui concerne les médias, en tout cas. Donc on a ce paradoxe, les médias sont centraux pour le raisonnement, mais ils ne sont pas interrogés. Ils ne sont pas interrogés et on n'a pas d'études empiriques sur la question. Et donc le résultat, c'est la magnification des logiques d'appropriation. La magnification des logiques d'appropriation. Oui, les logiques d'appropriation sont très intéressantes à étudier. Et ça, c'est un grand apport. Mais attention à ne pas tomber dans la vision romantique de la magnification. Donc de ces logiques d'appropriation. C'est pour ça que j'ai fait le détour par Iciel de Solapoule tout à l'heure. Iciel de Solapoule, déjà, il montrait, déjà, il d'une certaine façon, il célébrait la capacité des cultures locales à absorber les éléments étrangers. Et il pouvait célébrer cela parce qu'il oubliait un élément essentiel, c'est les logiques de domination, dans lesquelles s'insèrent ces logiques d'appropriation. Penser les appropriations sans penser les logiques de domination, c'est toujours se demander contre quoi on résiste. Et là, on voit bien la résistance, mais on ne voit pas contre quoi est-ce qu'il résiste. Et ça, c'est quand même, ça manque. Ça manque au tableau. Donc voilà, il y a le risque de servir comme discours académique pouvant légitimer des stratégies de libre-échange. C'est pas exclu. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Très riche. Question. Moi, j'ai envie de poser une question, mais en fait, elle est sur ce que tu ne dis pas. En voyant toute la référence, je me pose la question, pour même s'il y a des textes qui ont été traduits en français, pourquoi en tout cas tous, c'est quand même des débats assez importants et assez gros, n'ont pas été, on ne voit pas le reflet de tous ces débats dans la sociologie française des années 90 en tout cas. Quel est le facteur qui a empêché, si ce n'est un facteur en tout cas d'une résistance d'une certaine économie politique Les raisons internes à la sociologie française, j'aurais du mal à répondre. J'ai quelques petites idées, mais je ne voudrais pas m'avancer sur ce champ. Par contre, en tant que professeur en sciences de l'information et de la communication, je peux vous dire clairement qu'il y a quand même, malgré l'appel à l'interdisciplinarité, il y a encore une étanchéité incroyable en France. Donc on peut travailler sur des choses qui sont essentielles pour d'autres champs sans que ces champs s'y intéressent, parce que c'est publié ailleurs, dans d'autres revues, que les revues qui font un peu autorité. Et puis je pense que la réponse a beaucoup à faire avec le statut quand même marginal qu'ont aujourd'hui les sciences de l'information et de la communication, pas seulement en France, aussi dans d'autres pays. Quand vous prenez les grands spécialistes de la communication internationale aux États-Unis, avant le développement d'Internet, et les petites révolutions arabes, maintenant on passe à Harvard et au MIT, mais avant c'était pas le cas, ils travaillaient tous dans des départements assez marginaux au sein souvent d'universités d'État. Et donc là je pense que les médias sont restés comme si vous voulez, le champ de l'internationalisation des médias est frappé d'une certaine façon d'une double marginalité. D'abord, marginalité des médias. On voit bien la place centrale qu'occupent les médias dans la vie sociale, politique aujourd'hui. Mais une chose est de constater cela et une autre chose est d'en faire un objet d'étude légitime. Un seul exemple pour vous donner une idée de la difficulté. La sociologie du journalisme, développée par certains journalistes. La sociologie du journalisme est un champ mineur, malheureusement, de la sociologie. Donc, on a parlé de médias et de questions internationales. Donc l'autre saut d'infamie, c'est les questions d'internationalisation. Moi, j'en fais l'expérience quand même régulièrement. C'est difficile de travailler sur l'international en France. Même sur le mondial, même en temps de mondialisation, alors avant la mondialisation, c'était mission impossible. Hein. Même en temps de mondialisation, c'est difficile. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus, hein, mais moi je sais que si j'avais voulu avoir une carrière facile, hein, il aurait fallu que je choisisse d'autres champs que celui de l'international. Hein. J'aurais dû travailler sur la communication des organisations, sur... Mais sur l'international, c'est donc média, c'est travailler sur un objet considéré à tort comme marginal, à partir d'une discipline considérée comme marginale, et puis international, c'est ajouter beaucoup de problèmes. donc voilà. Et bon, sur l'international, c'est un... pour le reste, c'est des problèmes que l'on rencontre aussi avec les autres collègues. Mais pour l'international, il y a quand même une spécificité française, une difficulté à appréhender les questions liées à l'internationalisation. Qui tient sans doute aussi, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, mais qui tient sans doute à la structuration des cursus, qui sont assez généralement déjà très disciplinaires. Disciplinaires au sens classique du terme et qui donc ont un petit peu de mal à bouger en direction justement d'une thématique qui par excellence supporte difficilement le côté très disciplinaire et vient prendre un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on voit très bien à quel point des spécialistes de la communication viennent enrichir la pensée de sociologues, d'anthropologues, d'historiens, etc. On pourrait multiplier les cas, et toutes ces productions sont cumulatives, c'est-à-dire les uns et les autres se lisent, s'utilisent, ce qui est quelque chose qui, en France, tout au moins sur ces domaines-là, est encore extraordinairement étanche. Effectivement, ça circule relativement peu, et ça circule encore une fois d'autant moins qu'on n'a pas véritablement de cursus de formation qui permettent véritablement ça, parce que pour l'instant aucune discipline ne s'est appropriée d'une certaine manière cette question, et il aurait fallu qu'elle se l'approprie pratiquement en venant créer une autre discipline. On avait parlé l'an dernier, le séminaire avait été clos par une journée sur une petite journée avec 5 ou 6 intervenants qui était sur la question plutôt du temps long du global, et où se posait la question de savoir mais pourquoi il n'y a pas d'études globales en France. Pourquoi est-ce que ce qui existe pratiquement maintenant dans la plupart des grands pays universitaires n'existe absolument pas en France, et où il est même très compliqué de rassembler des gens différents. On parlait tout à l'heure de l'absence d'une collection ou de l'absence de choses. Il n'y a pas véritablement. Il y a des revues qui commencent à se créer. Une revue d'histoire là, qui vient de se créer, enfin, dont le premier numéro va bientôt sortir, qui s'appelle Monde. Mais c'est encore quelque chose d'extraordinairement faible. Je pense que ça joue bien évidemment un rôle. Et alors, je me posais une autre question en vous écoutant. Je réalisais plus exactement à quel point la plupart des avancées dans ce domaine-là, donc c'est-à-dire deuxième moitié des années 80, début des années 90, parce qu'il y a certains textes que vous citez ici, notamment d'Apadura et de Stuart Hall, qui en fait sont souvent des réécritures de textes qui ont été écrits à la fin des années 80. Oui, tout à fait. Oui, c'est fin des années 80. La rupture, c'est fin des années 80. Oui. On voit bien d'ailleurs Apadura commence à publier dans Public Culture. Oui, 88. Il commence à publier des textes qui déjà sont dans cette logique-là, même s'il ne publie l'ouvrage que plus tard. Et je trouvais incroyable de voir à quel point les avancées dans ce domaine-là allaient de pair avec, en France, une crispation sur la question de l'exception culturelle, qui se produit exactement en même temps. C'est-à-dire que 1992, c'est le grand débat sur le GATT et sur la question de l'exception culturelle. Était-il donc véritablement possible, dans un pays où il y a une telle focalisation sur l'exception culturelle et donc la nécessité de quotas sur la langue française, sur la production cinématographique, sur le passage de chansons à la radio, etc., était-il véritablement possible de s'ouvrir sur des avancées comme celle-là ? Est-ce que ça ne joue pas aussi un rôle dans l'espèce de retard à l'allumage que l'on voit en France dans la traduction des principaux textes sur ces... sur ces questions, où Stuart Hall commence à être évoqué très tardivement, pour ne pas parler de ses traductions qui sont vraiment dans les années 2000 et même fin des années 2000. Est-ce qu'il n'y a pas finalement ici une sorte de rencontre entre la capacité épistémologique telle qu'elle peut exister en France et le fait qu'il y avait aussi une sorte de couvercle politique et culturelle sur cette nécessité de sauvegarder l'exception culturelle. C'est une pure hypothèse, je sens une thèse il y a quelques jours sur le nationalisme culturel en France dans les années 1980. Et là, c'est la rencontre entre cette thèse et ce que vous dites qui me frappe. Oui, tout à fait. Mais en même temps, dix ans après, à travers les questions de la diversité culturelle, on importe en France un certain nombre de choses qui... parce que diversité culturelle, quand vous regardez les textes qui sont produits à l'UNESCO dans ce cadre-là, comme personnes qui sont derrière, il y a Padoura, et donc à Paris... Vous voyez, ça introduit à Paris, à travers l'UNESCO, ces thèses aussi au tout début des années 90, déclaration de la diversité culturelle et tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de traces, mais... Oui. Moi, je rajouterais un facteur qui est certainement dans cette difficulté que la France a à prendre en compte les questions internationales, l'héritage de l'Empire colonial. Le problème de... la culture des autres vue à travers les yeux de l'ancien empire et qui bloque la façon dont on considère les autres aujourd'hui sur le territoire et la façon dont on considère les autres ailleurs que sur son territoire. Alors encore plus à l'égard des autres anciens colonisés, mais également ça fausse toute l'appréhension du monde extérieur. Est-ce qu'on pourrait pas aussi peut-être ajouter le fait qu'on assiste au cours des années 90 et encore plus 2000, au-delà même de la crispation sur la question culturelle, qui est finalement une question assez largement anti-américaine aussi, dans ces années-là, en 1992, est-ce qu'il n'y a pas aussi progressivement quelque chose qui vient se rajouter, qui est toute la réflexion sur l'identité nationale, l'importance de l'identité nationale, qui en gros nous occupe depuis une bonne quarantaine d'années, mais qui véritablement a pris encore plus de poids depuis le début des années 2000. Une campagne qui est clairement une réponse, qui est clairement une réponse aux logiques croissantes de mondialisation. Face aux logiques croissantes de mondialisation, la tentation du repli, l'interrogation sur qu'est-ce que c'est que l'identité nationale. Vous disiez sur les agents de cosmopolitisme que pourraient être les télévisions, et que sont d'ailleurs la plupart des télévisions britanniques, allemandes. C'est vrai, quand on regarde la télévision française. Oh bah oui. Ou alors il faut vraiment aller chercher dans les profondeurs de la TNT ou du câble. Deuxième partie de soirée sur Arte. Voilà. Les chaînes publiques extraordinairement franco-française, ou alors propose une vision qui est vraiment la vision des séries télé. Les séries télé américaines. L'ouverture sur le monde se fait à travers les fictions, essentiellement les fictions américaines. Et policières. Et policières en ce moment. À part The Wire, peut-être, qui joue un rôle un petit peu différent en montrant quelque chose d'un petit peu plus social. Sinon, c'est une version policière qui, généralement, est mise en avant. Oui, tout à fait. Vous posez une question sur, je suis restée là sur Dallas et l'idée que Dallas peut constituer une ressource, et là ça m'a frappé, une ressource dans le monde social, ça peut aider les... Effectivement, en fait, vous avez répondu vous-même dans la conclusion en disant un concept qui est intéressant, je trouve, magnification des logiques d'appropriation, et du coup c'est très intéressant ce que vous avez dit, qu'en fait, si j'ai bien compris, les auteurs des cultural studies rejoignent un peu l'auteur dont vous avez parlé et que je ne connaissais pas. Itiel Desola, c'est ça? Oui. Donc là, ils se rejoignent en fait sur l'idée, sur cette idée de réception, l'importance de la réception, etc. Et si on leur, j'imagine qu'il y a ces auteurs des cultural studies, si on leur dit qu'ils rejoignent un auteur collaborant avec le gouvernement, ça les ferait hurler. Mais en même temps... Les cultural studies, c'est pas... c'est-à-dire que c'est... Là, j'ai cité Yen Hang, qui est des cultural studies, mais qui va s'inscrire dans la cultural studies dans une veine beaucoup plus populiste que d'autres. Hein. Dans la cultural studies, il y a des personnages très différents, et elle travaille en particulier avec David Morley, que l'on ne pourrait pas associer à ça. Mais il y a un moment de flottement, et ce moment de flottement, c'est ces années 80, où il va y avoir une convergence entre cette sociologie empirique américaine, qui, elle, peut avoir frayé avec Ishiel de Solapool, et Eliot Katz, par exemple. Eliot Katz, en 77, il produit un ouvrage qui reprend à peu près les arguments d'Ishiel de Solapool. Hein. Donc eux, on peut imaginer une certaine proximité. Pour les cultural studies, c'est plus compliqué. Donc le parcours de David Morley est intéressant parce qu'il a pu travailler avec Yen Hang à un moment, et puis à la fin des années 80, début des années 90, il a commencé à expliquer que non, il avait été trop loin. Dans les années 80, il avait été trop loin et qu'il faut reconsidérer ces choses-là et prendre plus en compte les structures du système sociale, global, les structures sociales. Et, oui, tout à fait. Oui. Il y a aussi une anti-essentialiste. Oui, tout à fait. Ouais. Après, une fois qu'elle s'est installée en Australie, voilà, sur. Oui, tout à fait. Les travaux sur la diaspora chinoise, notamment, c'est absolument incroyable. C'est une des plus virulentes à ce niveau-là, contre l'idée qu'il pourrait y avoir une sorte de ce qu'elle appelle Chinese-ness, quelque chose qui semble-t-il la révulsion. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'elle-même est issue de cette diaspora et qu'elle combat ça. Oui, tout à fait. Oui. Mais vous avez raison de. Les travaux des cultural studies parfois pêchent par l'absence d'interrogations sociales, les origines, les différences entre populations. Pour Yen Hang, je ne suis pas rentré dans le détail, mais la méthodologie qu'elle met en œuvre est étonnante. Je suis sûr que si un étudiant faisait ça ici, il se ferait drôlement taper sur les doigts, à juste titre. Quel type de méthodologie elle adopte pour voir comment elle reste? Elle publie une petite annonce dans un journal féminin dont le libellé est tout le monde me critique parce que j'aime Dallas, et vous, qu'en pensez-vous? Donc faites-moi part de vos observations. Écrivez-moi à telle adresse. Et elle reçoit une quarantaine de lettres, certaines des pages entières et d'autres quelques lignes. Et donc c'est à partir de ce matériau qu'elle va bâtir son argumentation. Bon, on sait bien que ceux qui répondent aux petites annonces ont des profils très particuliers. Et dans les réponses, elle en est réduite à deviner le statut social de ceux qui lui écrivent pour essayer un petit peu de suivre. Hein? Elle n'a aucune information. Elle arrive à quelque chose de plausible. Oui, mais voilà. À partir de. Exactement. C'est quand même assez étonnant. Quoi. Alors qu'après, il y a eu d'autres techniques. Je crois, je ne suis pas du tout un spécialiste de la réception de Dallas. Mais je crois qu'il y a eu des techniques par panel. Voilà, en général, c'est des focus groups. Les focus groups. C'est assez intéressant. Voilà, c'est intéressant, mais c'est ce que font Tamar Liebes et Eliot Katz. Le problème fondamental, c'est qu'ils diffusent un épisode devant un groupe. Et donc, ils créent un groupe et ils le mettent en position de regarder la télévision. Or, l'ordinaire de la télévision, c'est pas comme ça. On rentre du boulot, on s'installe devant la télé, on se tient pas forcément très droit, on regarde un peu n'importe quoi, et on se sent pas observé par quelqu'un qui est de l'université et à qui il va falloir parler après. Et ça introduit quand même. Et la résistance. Hein, la résistance. Sur laquelle aboutissent ces travaux, la résistance, c'est aussi un artefact produit par le chercheur. Hein. L'enquêté va pas reconnaître qu'il est soumis aux images ou qu'il s'assoupit devant. Ou que... Il y a des phénomènes d'autocensure qui sont, voilà. Souvent assez... Non, ça pose de vrais problèmes. Mais ils sont conscients de ça, donc tu ne peux pas les mettre en avant les... Oui. Mais voilà, pour vous faire prendre conscience de la difficulté de mener cette étude, d'autant plus quand on veut avoir des résultats un peu comparatifs, au Japon, oui, puisque l'étude, il y a aussi une partie du terrain qui est réalisée au Japon. Le chapitre sur le Japon est le plus intéressant d'ailleurs du livre. Au Japon, comme Dallas n'a pas du tout marché au Japon, au bout de 3 épisodes, ils ont retiré Dallas de la... Oui, c'est les raisons du pourquoi sont vraiment intéressantes. Et donc, ils ont dû, pour mener l'étude au Japon, ils ont dû diffuser le même épisode, hein, que celui qu'ils avaient diffusé à tous les autres, pour que ça soit comparable. Mais à des téléspectateurs qui n'avaient pas regardé la série, hein, dont la plupart n'avaient jamais vu la série. Donc là, on crée une situation qui n'aurait pas existé naturellement, quoi. Une question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a eu à peu près le même travail fait sur une autre série qui est Baywatch ? Baywatch, non. Ça pourrait donner quelque chose C'est cette série où il y a des... Oui, tout à fait. Ouais. C'est Pamela Anderson, non ? Oui. Je pense qu'il pourrait... La seule étude fascinante que j'ai repérée là-dessus, mais elle intervient parmi d'autres types de consommation, c'est une étude que réalise un collègue d'origine marocaine, mais qui aujourd'hui enseigne à Westminster, Tariq Savri. Et Tariq Savri, il a étudié la consommation de la télévision de jeunes Marocains dans les montagnes de l'Atlas. Et la télévision marocaine, à l'époque, diffusait Baywatch. Il montre comment cette série, hein, totalement surréaliste dans l'univers des montagnes de l'Atlas, est vue comme symbole de l'Ouest, hein, par ces jeunes, et comment ça avive leur envie d'émigrer pour enfin faire la rencontre avec la version européenne de Pamela Anderson. Que même en France, c'est relativement peu fait, ce genre de choses. On ne sait pas énormément de choses. Des gens qui regardent par exemple les séries. Il y a un pan de la... Donc il y a des sociologues, de la réception. Il y a eu des travaux importants sur la réception de Hélène et les garçons, hein, qui sont une copie, qui était à l'époque une copie, une sitcom à la française inspirée par les canons américains. Et donc Dominique Pasquier a fait un travail intéressant. Il y avait une étude de réception sur Urgence aussi. Il y a comme ça quelques travaux sur la réception. Menés par des chercheurs en France qui ne sont pas inintéressants. Voilà. Et donc même dans le domaine de la communication, vous avez l'impression qu'en France, qu'il y a quand même une frilosité au regard de tout ce qui peut relever du transnational. Ah oui, très clairement là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on veut parler de ce sur quoi on fait ces recherches, là, il faut vraiment fréquenter les congrès internationaux. Parce que j'ai l'impression que des gens comme Dominique Desjeux, quand même, ouvraient un peu. Hein. Ouais. Non. Non. Il y a encore une grande frilosité. Le champ de la communication internationale reste limité, hein, en France. Et même quand on commence à le tricoter différemment, là on travaille sur un projet, on est en fin de projet, un projet ANR sur les médias et les migrations dans l'espace euro-méditerranéen. Donc là on étudie les stratégies des chaînes, hein, des chaînes des pays du Maghreb à destination de l'immigration. Donc là on est dans un cadre d'internationalisation, mais on se penche aussi sur la question de comment est-ce qu'ils reçoivent les émissions. Donc on a fait des études donc de réception, on s'y est mis nous aussi. Et donc même lorsqu'on couple la question de l'internationalisation avec une question qui est quand même plus proche des réalités françaises, celle de l'immigration, ben même là, ça reste difficile. Ça reste difficile. La communication, pour ça, est un champ un peu piège. Mais heureusement, il y a des collègues, d'autres collègues que des collègues en communication et des collègues à l'extérieur avec qui on peut échanger. Merci, avec grand plaisir. Est-ce que le texte que vous avez écrit est un texte disponible ou c'est un texte correspondant à notre communication? C'est un bricolage entre différentes choses. D'accord. C'est un bricolage entre différentes choses. Donc difficilement publiable. Je dis ça parce qu'on a en fait une revue de laboratoire qui est une revue en fait une revue électronique de mise en ligne de ce qui peut avoir été présenté lors de journées d'études, colloques, séminaires, etc. Et on a en préparation en fait un numéro de cette revue qui reprendra différentes interventions à ce séminaire. Et cette année, donc je vais poser la question pour savoir s'il y avait une éventuelle possibilité ou si ça créait des problèmes de droit. C'est-à-dire que là, le texte tel que présenté est un texte plutôt rédigé pour être lu plus que pour être lu. Donc ça pose un petit problème, mais je pourrais éventuellement en faire une version. Le problème, c'est celui du temps. C'est si c'est dans un délai raisonnable, ça peut. Oui, d'accord. Oui. Alors c'est envisageable. S'il n'y a pas de délai, c'est envisageable. Pour certains, on demande également. Vous avez vu qu'on enregistre. Pour certains, on demande si on peut tout simplement retranscrire ce qui a été présenté, sachant que c'est une revue électronique de mise en ligne, très clair comme ça. Si c'était la retranscription dans ce cas-là, je préférerais vous donner ça. Voilà. Ça c'est clair. Ça c'est clair. D'en reparler. D'accord. Merci. Très bien. Merci à vous.